Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pour se faire une idée de l'influence qu'exerça Roberto Rossellini sur les jeunes critiques des cahiers du cinéma des années 50, il suffit de relire « Lettre sur Rossellini », l'article que signait en avril 55 Jacques Rivette dans le numéro 46 de la revue. Par l'apparition de Voyage en Italie, tous les films ont soudain vieilli de 10 ans, écrivait Rivette. Rien de plus impitoyable que la jeunesse, que cette intrusion catégorique du cinéma moderne, où nous pouvons enfin reconnaître ce que nous attendions confusément. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est cela qui les choque ou les importune, qui a raison aujourd'hui, c'est cela qui est vrai en 1955. Voilà notre cinéma, à nous qui nous apprêtons à notre tour à faire des films. On entend ici Roberto Rossellini en 1977, présentant son livre « Un esprit libre ne doit rien apprendre en esclave », un livre exaltant la liberté de penser et de créer. Roberto Rossellini, j'ouvre votre livre. Au fait, est-ce vous qui l'avez écrit ? Oui. Oui, bon, très bien. Alors, je vois donc, vous dites « Autre facteur qui contribue à éloigner les hommes de la connaissance et du concret, la propagande, dont le développement excessif a eu l'effet le plus néfaste au cours du dernier demi-siècle. » Quand vous parlez de propagande, vous voulez dire quoi exactement ? Vous parlez de la publicité ? Vous parlez du matraquage sur les masses médias ? Matraquage, oui, matraquage sur les idées, sur l'exaltation de certains produits, etc. Oui, et sur les hommes aussi. Alors, et vous pensez que c'est matraquage des hommes. Et vous pensez que cette propagande est absolument néfaste à la diffusion de la culture ? Pourquoi ? Absolument, puisqu'elle impose une certaine culture qui n'est pas la culture. C'est-à-dire, c'est la culture qui convient au moment dans lequel nous vivons. Mais puisque je crois que nous sommes heureusement dans cette merveilleuse aventure de voir s'effondrer une civilisation, alors il faut mettre en marche d'autres idées. Alors il faut peut-être que toutes les coordonnées de la culture deviennent différentes. D'ailleurs, vous dites savoir avoir un savoir intégral. Oui, mais justement, alors vous dites un peu plus loin, pour rénover la culture, pour promouvoir celle qui doit servir aux grandes masses humaines qui réclament une place à part entière dans la société, il faut parvenir à labourer, hercer et ensemencer les domaines sur lesquels a germé jusqu'à présent la culture traditionnelle. Je fais allusion à tous les moyens de communication de masse, la presse, la radio, la télévision, le cinéma. Alors, de quelle façon, à votre avis, peut-on refaire tout ce travail et peut-on ensemencer les moyens d'information ? Ben oui, c'est assez simple. Le point de départ est dans quelle considération nous avons nous-mêmes, les hommes. Si notre destinée doit être celle d'être obéissant, alors il faut faire l'œuvre de matraquage et de castration. Puisqu'il faut se rappeler que éduquer, dans sa racine latine, educere, ça veut dire aussi castrer. Alors, on fait perpétuellement une opération de castration de façon d'avoir des gens qui pensent ce qu'on veut, et c'est tout. Ou bien, il faut promouvoir l'autre chose, c'est-à-dire l'exploitation de cette richesse immense que nous avons, chaque individu, qui est représenté par un instrument que nous avons dans le crâne, qui est notre cerveau. Oui, c'est-à-dire créer. Créer, être chacun soit soi-même, et chacun qu'il apporte sa contribution à la société humaine. Oui, mais créer dans la liberté, monsieur Rossellini. Ah, totalement la liberté. Et oui. La liberté va souvent avec le silence. Il faut créer dans le silence aussi. Oh, dans le silence, c'est en gueulant aussi. Hein. Oui, mais ça c'est pas de ce silence-là que je parlais. Hein. Mais croyez-vous être compris, Roberto Rossellini, pour quelqu'un qui dit faire œuvre didactiste Il faut savoir attendre. Une autre chose, une autre maladie de notre siècle, c'est le succès immédiat. Le succès immédiat ne compte rien du tout. Moi, je dois voir, j'ai l'expérience un peu de ma vie. Chaque chose qui a eu du succès, elle a eu du succès 10 ans après. Et 10 ans après, on m'a reproché de ne pas continuer à faire ce qu'on m'avait, les choses pour lesquelles on m'avait engueulé 10 ans avant. Donc, bon, Roberto Rossellini, en ce moment, vous travaillez sur Karl Marx. Oui. Hein? Alors, pourquoi avoir choisi Karl Marx ? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons la chance de vivre la fin d'un monde ? Ouais. Oui. Est-ce que c'est pour faire le lien, justement ? Non, mais ce n'est pas pour faire ce lien-là. C'est que, puisqu'on vit la fin d'un monde, d'une civilisation, ça je crois qu'il n'y a pas de doute, on le voit, non ? C'est oui. Tout s'effrite de tous les côtés. Il faut, la seule façon de ressortir de ça, c'est de promouvoir une nouvelle culture. D'ailleurs, par exemple, en France, les socialistes français ont parlé de cet idéal d'une culture intégrale ou d'une éducation intégrale depuis le siècle passé. Personne ne les a écoutés, les pauvres. Bon. Et peut-être ça, c'est une façon pour pouvoir rétablir les choses. Et alors, pour quelle raison je fais Marx? Puisque tout le monde parle de Marx aujourd'hui. Moi, j'ai, par exemple, 6 enfants, ils sont tous les 6 marxistes. Et chacun est marxiste à sa façon. Oui. Alors, comprenez? Alors, j'ai dû, comme bon papa, me taper toute la lecture de Marx pour comprendre, pour leur dire qu'est-ce que c'est le vrai et le bon, peut-être, non? Oui. Roberto Rossellini, il y a quelque temps, j'ai interviewé ici même, enfin, à ce micro, Mikis Theodorakis, qui disait, si Karl Marx était présent, maintenant, il ne dirait certainement plus ce qu'il a dit à son époque. Il dirait certainement bien autre chose, puisque même à la fin de sa vie, il disait que son œuvre était loin d'être complète et qu'il fallait repenser beaucoup de choses. Et il me disait aussi, Mikis Theodorakis, que ce n'est plus à travers les appareils politiques que les choses devaient changer, mais à travers la prise de conscience culturelle des gens. Est-ce que vous pensez ça? Ah, je crois qu'il n'y a qu'une solution, la prise de conscience des gens. Donc, pour les enrichir, il faut leur offrir une quantité de données, puisque c'est l'élaboration de ces données qui produit l'intelligence. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est un fait biologique absolument réel. Je ne suis pas d'accord sur le fait que Marx aurait dit autre chose. Marx fait un discours, je ne suis pas marxiste dans le sens que je suis amoureux de Marx. Moi, je tâche de savoir le plus possible et de démolir chaque jour un tout petit peu mon ignorance. Et ce serait une opération que tout le monde devrait faire. Marx, sa pensée était scientifique. Qu'est-ce que c'est le choc qui apporte la pensée scientifique ou la méthode scientifique? Nos moyens traditionnels, qui sont ou la philosophie ou la religion, etc., etc., c'est la solution du tout pour nous rassurer. La science, c'est une découverte perpétuelle. Donc on ne sait pas à quoi on aboutira. C'est tout à fait un autre chemin. Donc le discours de Theodorakis ne colle pas avec Marx, puisque Marx était dans un chemin, et il parcourait un chemin. Vous venez d'entendre Entretien avec Roberto Rossellini au micro d'Arlette Sayac en janvier 1977. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.